à 6h du matin, il faut faire le point. Parfois pour exister, je me tue la santé, et comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. Mais dans le pire des cas, sans baisser les bras, contre vents et marées, marée noire ou glacée, il faut savoir lutter, savoir ne pas tricher. Ce qui danse.